Mercredi, à Assemblage requis, François Landry sera avec nous pour discuter de la rentrée parlementaire provinciale. Sébastien Dulude nous fera part de ses sorties culturelles alternatives et quelques trucs logiciels et sites web utiles dans la chronique technologique CNX. C'est à Assemblage requis, mercredi, 15h.